La parole errante demain vous propose l'enregistrement d'une rencontre avec Frédéric Lordon. Le mardi 29 octobre, dans la grande salle de la parole errante, les éditions Libertalia proposaient une discussion critique avec Frédéric Lordon dans le cadre de la parution de son livre « Vivre sans ?», point d'interrogation, institution, police, argent, aux éditions La Fabrique. Première partie, discussion entre Nico de Libertalia et Frédéric Lordon. Donc rebonsoir. Comme l'a dit Adrien, ce débat aurait dû être organisé à la librairie Libertalia, 40 mètres carrés. On arrive à tenir à 80, parfois même à 100, mais là c'était absolument impossible. Et pourtant, on avait demandé à Frédéric de venir au milieu des vacances, peu avant le 1er novembre, un soir de pluie de préférence. Bon, on est très content d'être ici, dans ce lieu qui nous est très cher. Un mot simplement, moi je co-anime les éditions Libertalia et la librairie du même nom, vous avez des bouquins qui sont là-bas. On a essayé d'entourer, d'établir une sorte de constellation autour du livre dont on va discuter ce soir, en mettant des livres d'Agamben, de Deleuze, de Rancière, des livres sur l'autonomie italienne, les livres du Comité Invisible bien entendu, sur la table. Que dire ? En entendant... la petite allocution initiale d'Adrien sur ce lieu, je n'ai pas pu m'empêcher de songer au contenu de ce livre. Vivre sans, point d'interrogation, un livre disponible en librairie depuis le 4 octobre. Vivre sans institution, police, travail, argent, 3 points de suspension. Magnifique programme. Hein. Bon, vivre sans institution, tout dépend des institutions dont on parle. Et Frédéric va peut-être répondre et... Ce n'était pas une question prévue, puisque certaines questions ont été préparées, mais je voudrais t'interroger tout de suite là-dessus. Est-ce qu'ici, ce lieu autogéré, tenu par un certain nombre de camarades, c'est une institution ? Alors, évidemment, je sais pas si ça... Oui, non. C'était celui-là. Évidemment, oui. Mais je vais m'en expliquer dans un instant, en disant en quoi ça consiste, une institution. Mais enfin, tu vois, il y a en plus... celle-là, elle est visible. Moi, mon truc sur les institutions, c'est aussi pour qualifier celles qu'on ne voit pas. Mais là, il y a des murs, il y a des gens qui s'en occupent, il y a un nom du lieu, il y a une permanence, et il y a un collectif qui s'y active. Donc, oui, c'en est une. Donc, toute ta première partie s'intitule « L'enfer des institutions ». On partage... absolument tout ce que tu dis, c'est un constat sur le monde d'aujourd'hui, un monde effroyable. La deuxième partie porte sur ceux que tu appelles les philosophes de l'antipolitique, ou les philosophies de l'antipolitique. Et là, tu t'intéresses, comme je l'ai dit précédemment, à Deleuze, à Rancière, à Badiou, et très longuement à Agamben, en tant que philosophe de la destitution. Une première question, pourquoi avoir d'emblée, dès le lancement du livre, consacré un chapitre aussi théorique, aussi solide à ces philosophes-là ? Et est-ce que, d'une certaine façon, tu n'as pas pris trop au sérieux le mot d'ordre « soyons ingouvernables » ? Bon, alors, ce chapitre, d'abord, il exprime implique complexion, enfin, c'est le genre de choses qui m'intéresse, donc je m'y rends assez spontanément, mais il répond aussi à autre chose quand même. Est-ce que j'ai pas pris trop au sérieux le mot d'ordre « soyons ingouvernables » ? Ah non, je crois pas quand même. Pour que les choses soient claires, ce livre était à l'origine, devait prendre la forme d'un dialogue avec le Comité Invisible, et pour des raisons de contingence matérielle, ceci n'a pas pu avoir lieu. Donc le livre s'est poursuivi par d'autres voies, et en particulier par la conversation avec Félix Bolgio-Evangépé et Jean Morisot de La Fabrique. Et Destitution mise à part, qui est un cas spécial, donc, où, sur lequel on va revenir. Destitution mise à part, les items du vivre sans ne sont pas la propriété exclusive du comité invisible. Il me semble que, lu comme ça à l'aveugle, vivre sans institution, police, travail, argent, que ça rejoint des thématiques libertaires, hein, au sens le plus général du terme. Et soyons ingouvernables, c'est en quelque sorte une synthèse de tous ces motifs. Et puis il y a aussi que, tout de même, moi j'ai tendance à considérer, c'est ce qui a donné l'impulsion de ce livre, que tous ces énoncés constituent un ensemble discursif et un imaginaire qui me semble être ce qu'il y a de plus dynamique dans, alors c'est compliqué, dans la gauche, mais alors il faut ajouter un qualificatif, donc on ne sait jamais très bien lequel. Bon, je ne sais pas, dans la gauche qui m'intéresse, moi, puis peut-être vous aussi. Et que ce sont des énoncés qui ont un pouvoir de traction considérable, je trouve, dans la jeunesse, notamment. Ce qu'on peut saisir au travers de la floraison de discours, de graffiti, de choses de ce genre. Alors, pourquoi, après le chapitre sur... l'enfer des institutions, je me suis lancé dans cette déconstruction philosophique, en quelque sorte par devoir intellectuel, puisqu'il m'est apparu rapidement que l'ensemble des énoncés auxquels j'avais affaire était plus complexe que je ne l'avais imaginé d'abord, et qu'on pouvait en dégager une structure à deux niveaux, avec alors ce que j'ai appelé, en reprenant les catégories de Marx, hein, une strate exotérique, en quelque sorte, c'est, je ne sais pas comment dire autrement, c'est les énoncés les plus courants, ceux qui connaissent la circulation la plus étendue dans l'action politique, les milieux militants, etc., etc. Et que sous cette strate exotérique, il y en avait une autre, qu'on peut qualifier donc d'ésotérique, et qui renvoyait alors là à des élaborations philosophiques... au sens propre du terme, et que les énoncés philosophiques informent les énoncés de la strate exotérique. Si bien que je me suis posé la question de savoir si tous ceux qui reprennent ces énoncés, parfois transformés en slogans, etc., avaient une conscience claire des bases philosophiques qui avaient donné naissance à ces choses, à tous ces discours. Je suis bien tranquille que beaucoup en ont parfaitement conscience, ça j'en connais, hein. Chez qui la connexion des deux plans est alors tout à fait manifeste, explicite, etc. Je suis pas sûr que ce soit une propriété universellement partagée, et donc ce que j'ai voulu faire, c'est de porter au jour cette strate ésotérique et d'essayer de la qualifier, alors d'abord avec un grand luxe de précaution conceptuelle, parce que je voulais pas me retrouver dans des opérations d'étiquetage à la louche. Et que malgré tout, j'avais l'impression que tous ces discours philosophiques mis ensemble composaient quelque chose comme une atmosphère ou un terreau qui était particulièrement propice à l'éclosion des énoncés de la strate exotérique. Et il m'est apparu en cherchant ce qui pouvait faire, je ne sais pas, transversalité ou dénominateur commun là-dedans, que c'était la qualification d'antipolitique qui s'imposait le mieux, sous deux motifs différents, dont je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, à cet égard. Il y a un motif particulier d'antipolitique qui est ce que j'appelle l'antipolitique de l'intermittence, et un autre qui est ce que j'appelle l'antipolitique de la virtuosité. Bon. Et d'ailleurs, j'ai eu la joie de lire, mais bien après, alors que le livre était quasiment sous presse, de lire... sous la plume d'un de ses auteurs, la revendication tout à fait explicite du caractère antipolitique de la philosophie qu'il portait. Donc ceci m'a bien plu. Mais en réalité, toute cette opération de déconstruction, elle avait vocation à préparer le deuxième mouvement théorique, qui est celui de présentation d'une théorie spinoziste des institutions. Et qui arme conceptuellement une critique de la position ou de la disposition qu'on qualifie ou qui se qualifie elle-même d'anti-institutionnelle. Alors c'est très compliqué cette histoire, hein, parce qu'une disposition anti-institutionnelle, même si ça va vous sembler à peine croyable, cette disposition anti-institutionnelle, je la partage à un degré que vous ne pouvez même pas imaginer, et dont le premier chapitre, dont tu as rappelé brièvement la teneur, donne un indice. Oui, je pense que c'est l'enfer des institutions, c'est l'enfer vu du dedans, c'est l'enfer vu du dehors. Alors les institutions, ici je me livre évidemment à une espèce de restriction sauvage que je ne qualifie pas, on pourrait me le reprocher d'ailleurs, on me l'a reproché, qui est que je m'en tiens à des institutions. À ce que nous avons l'habitude d'appeler des institutions, les administrations, l'État, les entreprises, les organisations formelles, vous voyez, des choses comme ça. Bon. Et comme mon effort intellectuel peut aller jusqu'à contredire mes dispositions passionnelles, je fais avec ça. Et ce que je soutiens dans ce livre, en effet, enfin, les deux résultats auxquels... permet d'aboutir cette théorie spinoziste des institutions, c'est d'abord de donner une définition du fait institutionnel. Alors je vais la donner tout de suite, et puis je sais qu'elle vous déplaira, et on verra à quels endroits, et puis moi je vous dirai pourquoi je la maintiens. J'appelle fait institutionnel toute manifestation de la puissance du collectif. Alors ça, c'est un énoncé vraiment conceptuel. Vous voyez, c'est pas une catégorie inductive ou taxinomique, parce qu'en général, c'est comme ça que fonctionne la notion d'institution dans le débat. C'est, ah ben, les institutions, on sait bien ce que c'est. Oui, c'est le Conseil d'État, la préfecture, la multinationale, etc., etc. Donc là, vous voyez, c'est un énoncé tout à fait conceptuel et qui va évidemment infiniment plus loin et qui va s'appliquer à des choses... que spontanément, vous ne qualifieriez pas d'institutionnel. Alors l'exemple que je prends, c'est se serrer la main de la main droite. Se serrer la main de la main droite plutôt que de la gauche ou de se frotter le nez comme chez les Esquimaux, enfin, avais-je lu quand j'étais enfant, c'est un fait institutionnel, car c'est un fait qui manifeste la puissance du collectif. Mon point, c'est si vous vous présentez dans une institution et que vous commencez à tendre la main gauche à tout le monde... Au début, on va prendre ça pour une plaisanterie ou un geste de déconcertation délibéré. Et si vous persistez, ça va commencer à murmurer. Et ce murmure, qui sera un murmure désapprobateur, ça sera la manifestation de la puissance du collectif. Donc, se serrer la main de la main droite, c'est une manière commune. Une manière commune, voilà. C'est ça la définition d'une institution. Et d'ailleurs, mon grand plaisir, ça a été de la retrouver, mais... aussi explicite que ce que je vous dis dans un texte du début du XXe siècle de Marcel Mauss. La deuxième thèse à laquelle conduit la théorie spinoziste des institutions, c'est que de l'institutionnel, il s'en produit nécessairement. Alors c'est là le point de désaccord, évidemment. Donc c'est la raison pour laquelle, si on l'envisage génériquement, à vivre sans point d'interrogation, j'enlève le point d'interrogation si par institution on comprend le fait institutionnel. Le fait institutionnel est l'être même du collectif. L'apparaître du collectif, c'est le fait institutionnel. Dès qu'il y a un collectif constitué comme collectif, c'est-à-dire autrement que comme juxtaposition d'éléments, il y a fait institutionnel. Bon. Et la troisième thèse, c'est que, qui se déduit de la précédente, alors évidemment, hein, cette deuxième thèse, il y a tout un appareil ontologique qui est derrière, dans la foulée de la déconstruction d'Agamben notamment. Et la troisième thèse, c'est que, certes, on peut mettre les institutions par terre, on y reviendra à la fin de tes questions, Nico, les institutions, ça se renverse. Mais ne croyez pas que, pour autant, vous vous retrouverez, ouvrez les guillemets, libre. Il se reconstituera des institutions. Et si vous n'avez pas garde à la nécessité endogène du fait institutionnel, ces institutions se reconstitueront dans votre dos, c'est-à-dire possiblement de la manière la plus retorse ou la plus sournoise possible. Alors maintenant, je vais vous donner, pour finir là-dessus, je vais vous donner un exemple qui me semble caractéristique de ce que ça peut être un fait institutionnel entendu au sens que je viens d'indiquer, et puis alors qui est un fait institutionnel, pour le coup, qui n'a aucun apparaître, vous voyez, en dur. C'est ce qu'on pourrait appeler, et c'est ce que d'ailleurs dans un entretien récent sur le site de Lundi Matin, un entretien inattendu, dont Bernard Ras va appeler le surmoi d'organisation. Mais ça, vous le savez tous. Et qu'est-ce que c'est qu'un surmoi d'organisation ? C'est-à-dire ce truc qui va, sans que rien ne soit dit, va vous ravager de culpabilité si vous n'avez pas fait ce qu'il faut, etc., etc. Le surmoi d'organisation, c'est le collectif rentré dans votre corps. Voilà, c'est ça, le surmoi. La machine à culpabilité qui, du dehors, est passée dans le dedans. Et ça vous travaille tout seul. Bon, bah ça, c'est un fait institutionnel, le surmoi d'organisation. Et puis alors, vous savez bien, mais là, on aura peut-être l'occasion d'y revenir par après, que dans l'ordre des résurgences mal calculées et mal anticipées du fait institutionnel, là où on croit qu'on s'est défait de toute institution, il y a les gourous, les chefs charismatiques, les petits flics, etc., etc. Bon, je ne veux pas m'apesantir là-dessus. Et puis peut-être qu'on y reviendra d'ailleurs. Poursuis un peu sur cette partie tout de même. Tu dis l'antipolitique, c'est une pensée qui ne connaît que les moments de grâce et rien entre-temps. Ailleurs, tu dis je veux bien que la politique ne soit pas entièrement sortie de la tête de Deleuze quand il commence à s'intéresser à l'esthétique, mais qu'on fasse de l'art une solution de politique alternative, une politique de substitution, non. Mais concrètement, ces penseurs, on n'en garde rien ? Mais j'adore Deleuze, c'est un de mes philosophes chéris. J'admire la philosophie de Badiou que je ne peux absolument pas épouser. Rancière m'a agacé au plus haut point et m'a fait faire des déplacements que j'aurais pas fait sans lui. Et Agamben, son érudition me charme. Donc j'adore tous ces penseurs, ça ne veut pas dire que j'achète tout ce qu'il y a dans la vitrine. Hein. Donc on en garde énormément de choses. Je ne vais parler que de Deleuze ici, parce qu'il a il me semble que son thème le plus hautement politique s'inscrit dans les concepts de devenir et de ligne de fuite. Et le devenir, je suis bien tranquille que tout le monde a fait l'expérience de ce que c'est qu'un devenir. C'est une transformation. Ah, oui. C'est une transformation assez soudaine et radicale de sa propre complexion. C'est-à-dire un remaniement complet de ses manières. De ces manières de sentir, de penser, de juger, etc. Je suis sûr qu'on est très nombreux ici à être passés par des points de devenir. Donc ça parle énormément, cette chose-là. François Zurabichvili, qui était un magnifique commentateur de la philosophie de Deleuze, a une expression que je trouve vraiment bouleversante. Il dit « on ne reconnaît plus celui ou celle qu'on a été ». Voilà ce qui se passe au terme d'un devenir. Et alors, puisqu'on parle de politique, moi j'ai été absolument bouleversé par ce qui s'est passé à l'occasion des Gilets jaunes, on en reparlera, parce qu'on voyait des choses tout à fait étonnantes, tout à fait étonnantes. On a vu le devenir black bloc fulgurant de chauffeur routier ou le devenir zadiste d'employés. Moi, je me souviens d'avoir vu ces scènes où on voyait sur des ronds-points des gens en train de débiter des palettes. Et alors, bon, pardonnez-moi, hein, je vais livrer un truc de physiognomonie sociale un peu honteuse, mais ils n'avaient pas des têtes de zadistes, quoi. Et puis même, c'est pas seulement... je veux dire, ils n'avaient pas l'air zadiste-friendly, vous voyez. Et ils étaient dans un devenir zadiste. Et c'était très très beau, des choses comme ça. Donc ces gens-là ont été modifiés très très profondément par l'événement. Donc c'est une catégorie qui garde toute sa puissance, tout son intérêt. Mais jusqu'où ? C'est ça la question. Puisque la citation que tu as faite, Nico, elle fait référence à l'une des catégories de l'antipolitique qui est l'antipolitique de l'intermittence. C'est-à-dire celle qui réserve la qualification de politique à des événements exceptionnels et par conséquent rares. Donc les repartages du sensible chez Rancière ou les devenirs chez Deleuze. Mais ça n'arrive pas tous les quatre matins, hein, les repartages du sensible. Et entre les deux, rien. Il n'y a plus de politique. Alors vous pourriez me dire c'est juste une question de convention nominale. D'ailleurs, chez Rancière, c'est explicite. Entre les deux, c'est pas de la politique, il dit c'est de la police. Le mot politique... Je le réserve à ces épisodes tout à fait particuliers. Et moi, ça m'embête un peu, parce que j'ai envie qu'on continue de qualifier de politique ce qui se passe entre deux moments de grâce, entre deux devenirs, entre deux repartages du sensible. Et j'ai envie qu'on continue de le qualifier de politique pour que ça puisse appeler une science sociale du politique ou une philosophie du politique. Voilà. Et la politique n'est pas réservée à ces moments, tout à fait exceptionnels. Donc il y a beaucoup de choses à garder. Moi, les philosophes, C'est des philosophes qui ont tous compté énormément pour moi et dont tu me donnes l'occasion de dire que je ne voudrais surtout pas donner l'impression que je me les suis fait au chamboule-tout. Enfin, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça dans mon esprit. Mais ils ont constitué une strate de discours qui imprègne très profondément les esprits dans certains secteurs de la gauche avec des effets qui, à mon avis, ne sont pas tous admirables. Enfin, ou tous favorables, je ne sais pas comment dire. Entendu, voilà pour le constat. Je poursuis un peu sur le constat et je te cite. « La situation présente demande de penser à hauteur de la catastrophe. » Tu écris ça, page 14. Et un peu plus loin, « Le lyrisme des cabanes, des forêts et des zones fouette sans doute nos imaginations, mais ne soutient pas une perspective politique pour le nombre. » Je vois que tu es venu avec le livre de Marielle Massé, « Nos cabanes ». On peut rien cacher. Tu parles beaucoup de cabanes, tu parles beaucoup de la ZAD. Tu dis « Oui, j'aime bien, mais c'est pas très sérieux. » Je résume à peine. Je poursuis. Tu concèdes un peu plus loin, à la manière du penseur zapatiste John Holloway, qu'il existe des interstices à faire croître. J'ai l'impression de lire Brèche, 33 Brèche dans le Capital. Il faut faire croître ces interstices pour faire régresser la forme économique marchande de la division du travail. Et on peut mordre significativement en faisant proliférer les garages communautaires et les lieux ressources. Là, j'arrive plus à te suivre. La ZAD, c'est bien, mais c'est une institution et ça suffit pas. Les garages communautaires, il faut les multiplier. Je vais te donner la solution tout de suite de ce qui est une contradiction apparente. Je dois dire que j'ai du mal à résister à la tentation d'entrer dans la poésie et les cabanes. La première chose tout de même, c'est que je distingue dans le livre, je distingue aussi fermement que possible deux usages des cabanes. Il y a la pratique des cabanes, pour laquelle évidemment j'ai la plus grande admiration, parce que moi je serais incapable ni d'en monter une, ni d'en habiter une, ni de la maintenir contre vent, marée et gendarmerie. Et il y a la pratique poétique pour intellectuels du 3e arrondissement des cabanes. Et la pratique poétique en général. Alors celle-là, bon, je suis obligé de le dire, elle me sort par les yeux. Mais alors à un point, mais dénucléation, vraiment. Dans Libération, là, on a eu quelques très très belles choses, vraiment des pièces de choix sous le titre « Résistance poétique ». Ah oui, bah, évidemment, c'est avec la poésie qu'on va résister. Mais alors il y a Aurélien Barraud qui a donné, lui c'est le chef, et il y en a un autre derrière qui s'est engouffré dans la brèche et qui nous a livré sa petite poésie à lui. J'hésite, peut-être qu'il faudrait lire, enfin ça se roulait de rire hein, par terre, hein, vous voyez. Et vraiment, c'est pour moi c'est le pharisaïsme ou le posturalisme d'intellectuel du 3e arrondissement, ça me met hors de moi. Alors, il y a un truc plus général sur le rapport de la poésie à la politique. Parce que, je veux dire, moi, une des choses qui m'a le plus ému depuis 3 ans, c'est le renouvellement du graffiti. Et on peut dire que ça a incontestablement une grande valeur poétique. Il y a des choses tout à fait magnifiques là-dedans. Est-ce que c'est le bélier révolutionnaire par excellence, puisque ça serait avec la force intrinsèque de la poésie qu'on bousculerait les esprits et qu'on les lancerait dans la révolution? Et ça, je ne le crois pas. Alors moi, il y a une auteure de littérature que j'aime énormément, qui est Nathalie Quintane, et qui discute de ce thème dans un ouvrage paru il y a quelques années qui s'appelle « Les années 10 » à la Fabrique, et à l'intérieur duquel il y a un petit texte qui est la restitution d'une correspondance qu'elle a eue avec Jean-Paul Curnier, que tu connais bien, hein, puisqu'il a écrit sur les pirates et qu'il a dû céder de la bonne sous-soupe des éditions Libertalia, à mon avis, pour faire son rata, lui. Et Nathalie Quintane, donc écrivant à Jean-Paul Curnier, lui dit ceci. « Je ne crois donc pas trop à ces révoltes, ouvrez les guillemets, armées par la lecture des poètes, fermez les guillemets, que tu appelles de tes voeux. C'est bien dommage pour nous, mais ça ne se passe pas comme ça. » bien sûr, Éluard, bien sûr, La Rose et le Réséda. Et bien sûr, un poème de Coleridge est devenu une chanson révolutionnaire. Mais il s'agit d'un même élan, un élan commun, qui s'exprime en poème quand on fait de la poésie, en coup de fusil quand on sait tirer, qu'on soit peuple ou poète, ou les deux. Et je trouve cette phrase vraiment très, très belle, quoi. Et je trouve qu'elle fait magnifiquement le tour de la question. Alors, maintenant, quant à... Mais c'est une phrase que tu ne cites pas dans le bouquin. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'il aurait fallu la citer. Ouais, oui, peut-être. Parce que, tel quel, quand on te lit, on se dit, oulala, c'est la fessée, là. C'est la fessée au comité invisible et à tous les jeunes. Non, mais pas du tout. La poésie, vous m'amusez avec la poésie des cabanes, mais ça ne remplace pas le peuple en armes. Toutes les institutions comme la ZAD, les territoires, les communautés du Chiapas, c'est bien, mais ce sont des révolutions paysannes. On se sent presque agressé dans ton bouquin par moment. Non, alors d'abord, je n'ai pas dit le Chiapas, c'est des révolutions paysannes, etc. Mais je pense que ça, c'est des erreurs d'adresse. Alors j'ai l'habitude, j'ai l'habitude d'être victime d'erreurs d'adresse. Pourtant, je viens de le redire, moi, dans la poésie des cabanes, ma détestation de la poésie des cabanes ne vise pas la pratique des cabanes. Je l'écris, alors là, pour le coup, dans le livre, il me semble, de la plus nette des manières. C'est à certains usages intellectuels ou intellectualistes de ces thématiques que je m'en prends. Et puis, alors, pour le reste, parce que c'est autre chose, tu vois, il y a... Il y a les cabanes, après il y a des discussions sur les Chiapas, les ZAD, etc., etc. Et quant au comité invisible que tu viens de citer, alors c'est tout sauf ce que tu en as dit, vraiment. C'est tout sauf ce que tu en as dit. Il faudrait rentrer dans des considérations un peu personnelles à ce sujet, mais c'est pas très utile. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il y a un différent intellectuel. Il y a un différent intellectuel et théorique. Les différents, on en parle. Je leur fais confiance, ils répondront. Je me fais pas de soucis là-dessus. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est discuter avec eux. Parce que c'est vrai que ça devait être l'interlocuteur présent, et puis c'est devenu un interlocuteur absent, mais ils sont beaucoup là, quoi, dans le filigrane du livre. Même s'ils ne sont pas l'unique adresse de ce travail, comment dire ? Il s'agit de tester l'amitié à l'épreuve du différent. Voilà, normalement, on doit pouvoir conjoindre et la critique et une espèce de sympathie d'ensemble. Du reste, discuter les gens, c'est, il me semble que, enfin, sauf quand c'est pour se moquer d'eux comme la poésie des cabanes, mais discuter des gens, il me semble que c'est implicitement leur accorder de l'estime. C'est que il y a quelque chose d'important et c'est avec eux que ça se discute. Donc c'est tout sauf ça. C'est tout sauf. Maintenant, si tu veux, il y a aussi une chose, c'est que je sais que il y a dans les milieux, je sais bien que ça sera la difficulté de la réception de ce texte. Il y a une réticence dans certains milieux à lire ce qu'on n'a pas envie de s'entendre dire. Tant pis, qu'est-ce que tu veux, il se passera ce qui se passera à partir de ça, moi j'avais, on peut penser ce qu'on veut de, moi j'en pense, des trucs sur de Zizek par exemple, mais il était allé à Occupy Wall Street leur dire ce qu'ils n'avaient pas envie d'entendre, et je trouve que c'est assez estimable. Badiou a livré sa vision des gilets jaunes et moi je la partage pas. Mais il n'hésite pas à prendre les gens à rebrousse-poil sur la base d'arguments qu'il estime lui fondés. C'est assez honorable, je trouve. Bon, alors quant à la question des garages communautaires, etc., c'est bien que tu m'interroges là-dessus, parce que oui, effectivement, je parle de ces pratiques antidotes à la dépossession. C'est-à-dire, je parle de ces pratiques de l'autonomie, des choses extrêmement simples, vous voyez, réapprendre, enfin, acquérir des savoirs pratiques qu'on n'a pas, je veux dire, c'est un le on est projectif, c'est que je n'ai pas, et alors je cite ces histoires de garages communautaires, parce que je suis incapable de réparer mon vélo, par exemple. C'est dramatique. Alors que je ne suis pas capable de changer un pneu. Mais vous voyez, cette incapacité-là, alors bien sûr, hein, j'en ai ma part, mais à une autre échelle, moins anecdotique, elle est savamment organisée par le capitalisme pour, sitôt qu'un besoin se fait connaître dans notre existence matérielle, nous rendre à la transaction marchande. Donc, comme je ne sais pas changer un pneu de vélo, je crève, je vais chez le marchand, chez le réparateur de vélo, voilà. Et des progrès pourraient être faits dans ce sens, puisque c'est des progrès qui contribueraient à dédiviser le travail et démarchandiser. Donc, c'est des pratiques de la réappropriation, elle me semble d'une éminente valeur. Et ce sont des pratiques qui manifestent l'autonomie en son sens le plus palpable, puisque c'est l'objet d'une expérience directe. Bon, alors je dis ça, mais je dis aussi, on ne fera pas, et ça oui, c'est ma thèse, je dis aussi, on ne fait pas une forme politique, parce que forme politique, dans ma définition de la chose, ça revêt un sens macroscopique. On ne fera pas une forme politique avec un recouvrement de garages communautaires, de potagers de quartier ou même de ZAD. Il faut quelque chose de plus. Et ce que je veux dire par là, c'est que l'autonomie est à comprendre immédiatement dans une articulation multiscalaire. C'est une question d'échelle, voyez. C'est un étagement à des échelles différentes de pratiques variées. Ce qui signifie que, bien sûr, ça comprend le local, l'autonomie. Mais ça ne peut pas s'arrêter au local. Et ça doit aller jusqu'au global. Une pensée de l'autonomie, moi c'est ça que je reproche à certains discours de l'autonomie, c'est qu'ils sont ancrés de manière inamovible dans le local. Et bien sûr qu'il y a un ancrage dans le local, mais ça ne peut pas suffire. La pensée de l'autonomie doit s'étendre jusqu'au global. Pourquoi ? Parce que c'est au niveau global, le plus souvent, c'est au niveau macroscopique que se négocient les conditions de possibilité des pratiques d'autonomie aux échelles inférieures. Alors je vais vous donner un cas typique de ça, qui est très bien connu de tous, c'est l'IP. L'IP pratique de l'autonomie dans le registre de la production matérielle au niveau local. Mais l'IP ne possédait pas la première des conditions de possibilité globale de sa viabilité. Et ne les possédant pas, l'IP a été écrasé depuis le global. Voilà, donc l'une des thèses de ce livre, c'est que les expérimentations locales, par les temps qui courent, n'auront plus que le choix soit d'être insignifiantes, soit d'être écrabouillées par le pouvoir. Et il me semble que c'est ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes, par-delà la victoire contre le projet de l'aéroport, mais à montrer d'une manière dramatique. Et c'est pour ça que je refuse ton antinomie entre, en gros, pratique de l'autonomie et politique du nombre. Pour moi, c'est pas du tout antinomique. Ça doit être pensé dans son articulation. Parce que maîtriser les conditions de possibilité au niveau global des expériences du niveau local, ça appelle de la politique macroscopique. Ça appelle de la politique par le nombre. Pour viabiliser un LIP, il fallait changer le droit de propriété. Et changer le droit de propriété, c'est-à-dire abolir le droit de propriété des moyens de production, ça ne se fait pas au niveau local. J'en viens au long chapitre, 90 pages, l'État à prendre ou à laisser. Alors moi qui suis féru de Van Eghem, je dirais, évidemment, à laisser, oublions l'État. Je vais te citer. Tu parles d'abord de nécessité du grand soir, parce que tu aspires au grand soir révolutionnaire, quasi messianique, hein, mais on aspire tous au grand soir ici, je pense, toutes et tous. Mais tu avances un concept, le point L, L pour Lénine, où il est question de contrôle des capitaux et de contrôle des médias, mais également, contrôle des capitaux, contrôle des médias, tu l'avais déjà développé auparavant, mais également de dictature du prolétariat. Et tu invites même, dans ce long chapitre, à relire l'histoire de la République populaire de Chine. Non, de la Révolution culturelle. La Révolution culturelle, entendue. La RC, j'avais pensé que c'était la République populaire de Chine. Bon, mais je vous lis donc la Révolution culturelle, un extrait. La Révolution culturelle, ce sont les masses comme étaient... Mais en fait, c'est développé une fois, puis tu retrouves la... Les deux lettres RC partout, ce n'est jamais recité. Donc je cite, la révolution culturelle, ce sont les masses, comme étaient masses les sans-culottes et les communards. Spectaculaire mise en regard, D'un côté, les forces de l'histoire, de l'autre, la poésie des cabanes. Donc la question, elle est simple. L'État à prendre ou à laisser, tu réponds. D'une certaine façon, tu réponds la dictature du prolétariat et la révolution culturelle. Pourquoi tu as appelé ton livre « Vivre sans » ? Tu aurais pu l'appeler « Que faire ?» Oui, c'est pas faux, d'une certaine manière. Mais... Alors, l'État à prendre ou à laisser, moi non, mais en fait, c'est même pas une question rhétorique. Puisque pour moi, la réponse est autre. La réponse, c'est de l'État, pas l'État, c'est de l'État, il y en aura. Au Chiapas, il y a de l'État. Au Rojava, il y a de l'État. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'argument, hein, parce que ça renvoie à un livre ancien, mais en tout cas, ma position, c'est ça. De l'État, il y en aura, comme des institutions, il y en aura, et que les bonnes questions, c'est jamais avec ou sans, c'est sous quelle forme. C'est ça, pour moi. La thèse centrale du livre, c'est ça. Alors, tu dis la nécessité du grand soir, on la partage toutes et tous. Ah ben ça, j'en suis pas du tout sûr. Ah non, même pas, je parierais même pas, faudrait faire un sondage, je sais pas. Non, parce que moi j'ai plutôt, alors évidemment, je sais pas quoi te dire, sur la France Inter, la France Culture, ils ne partagent pas la nécessité du grand soir, non mais eux ils comptent pas là dans notre débat. Mais même parmi nous, je pense que c'est pas acquis à ce point. Et précisément, pourquoi est-ce que je discute d'Agamben pour discuter de la philosophie de la destitution? Et qu'est-ce que c'est que la philosophie de la destitution? C'est le refus du schème du grand soir. C'est un tout autre modèle révolutionnaire, je ne sais pas si on peut le dire, oui, sûrement, on doit pouvoir le dire comme ça. C'est un modèle de la révolution par soustraction, par désertion, par défection. On s'en va. On ne va pas vous renverser du tout. On s'en va. Et on va vous laisser à votre inutilité. Vous continuerez de régner si vous voulez, mais vous régnerez sur rien ni personne. Et nous, on va faire notre vie ailleurs. Donc tu vois, c'est le contraire. Hein, Mais l'un ne va pas sans l'autre. Le rêve du grand soir, c'est le rêve des syndicalistes révolutionnaires du début du XXe siècle. Le rêve du grand soir, 1906-1907. On a consacré un livre à ça. Mais c'est un rêve qui a été brisé. Ce qui ne veut pas dire que cette aspiration ne court pas tout au long de l'histoire. En attendant ce grand soir hypothétique, est-ce qu'il ne faut pas déserter les structures capitalistes ? Alors non, c'est ce que vraiment. Alors là, c'est là qu'on est au vif du différent stratégique, n'est-ce pas ? Non, je ne crois pas. Alors, le grand soir a été brisé, dis-tu ? Non, je dirais pas ça. Les grands soirs ont eu lieu. La merde, c'est les petits matins. Mais c'est pas pareil, hein. C'est pas du tout pareil. Et c'est pour ça d'ailleurs que je m'intéresse à l'épisode de la révolution culturelle. Je vais y venir dans un instant. C'est bon. Et moi, si tu veux, la désertion. On ne peut pas déserter complètement pour une raison extrêmement simple, à mes yeux, hein, c'est que le capitalisme nous tient par une poigne de fer qui s'appelle la division du travail. Regarde une expérience de désertion, comme la ZAD. Mais la ZAD ne s'est soustraite qu'incomplètement à l'ordre capitaliste. Pour faire des cabanes, il faut une scie, il faut un marteau, et la scie. Où est-ce qu'on l'achète, la scie ? On l'a fait soi-même ? Non. C'est un point que, vraiment sur lequel je voudrais revenir, pas ce soir, mais plus tard dans mes travaux. C'est le grand thème moi, qui m'obsède, c'est la division du travail. Un ordre, une formation politique ne devient véritablement autonome que lorsqu'elle produit elle-même ses moyens de production. Et produire soi-même ses moyens de production, ça suppose une extension et une profondeur de la division du travail dont vous n'avez pas idée, dont on n'a pas idée, même pour produire l'objet le plus humble en apparence. Je ne suis pas en train de vous parler d'une navette spatiale. Ce stylo-là, vous voyez ce micro, c'est très compliqué, un micro. Vous n'avez pas idée. Moi, si je n'avais pas été spinoziste, rien qu'avec la question du travail, j'aurais été leibnizien. Parce que la division du travail, c'est une question de monadologie. Dans le moindre objet, il y a tout le capitalisme qui est replié. Toute la division du travail capitaliste, synchronique et diachronique, est repliée dans le plus humble des objets. C'est extrêmement simple. Il y a une bille là-dedans, c'est du métal. Mais vous avez vu, pour usiner une bille aussi fine, vous n'allez pas y aller avec la lime, tout seul dans votre garage. Et puis d'abord, il faut de l'acier. Alors, mais pour avoir de l'acier, il faut convoquer toute l'histoire de la métallurgie. Et puis alors, la métallurgie, bah oui, il a fallu aller ramasser de la bauxite, par exemple. Ah bah bon, bah, et comme on a fait, bah, il faut une excavatrice. Ah bah alors, mais il faut produire l'excavatrice qui va permettre d'extraire le minerai qui permet de faire du métal. Mais l'excavatrice est en métal elle-même. Mince! Donc vous voyez, c'est ce genre de contradiction que résout la division du travail dans son extension et dans sa profondeur. Moyennant quoi, sur la ZAD, et parce que c'est pas là encore, enfin je veux dire, c'est pas une critique, c'est pas une ah regardez comme vous êtes insuffisant, c'est pas ça, c'est de l'analyse positive. Pour avoir une scie, vous allez l'acheter à Bricorama. Bon, bah, Bricorama, c'est pas, vous voyez, c'est pas un garage communautaire. Mais voilà, donc c'est. Oui, mais il en existe des garages communautaires, il existe des lieux de production d'outils, il existe des lieux de production d'énergie qui ne sont pas des lieux vendus au grand capital. Mais j'en suis le premier heureux. Regarde, je te donne un exemple qui n'est pas parfait, mais tu l'abordes pas du tout. La question de la communauté Longomaille, en France. Longo possède ses champs, ses animaux, produit de la laine, possède une scierie. Il y a une dizaine de communautés en Europe. Donc, la communauté Longomaille refuse l'usage de l'argent. Donc tu... Moi, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? J'adore. C'est pas ma question. Je veux dire, encore une fois, si tu me dis... Mais tu peux pas renvoyer dans les cordes systématiquement en disant la ZAD devra nécessairement passer par Bricorama. Oui, pour l'instant. En effet, tu as raison. Pour l'instant, la ZAD doit passer par Bricorama, et pour ne plus en passer par Bricorama, il faut non pas une multiplication de ZAD, mais il faut réarmaturer toute la division du travail avec de nouveaux rapports sociaux, éventuellement, et autant qu'on peut, et ça c'est possible, démarchandiser, démonétiser, ça, j'en suis le premier d'accord. J'en suis le premier d'accord. Ce que je veux dire, c'est que là, le capitalisme nous prend en otage par la division matérielle pour l'heure, et que, de deux choses l'une, si tu veux lui échapper, sans consentir des régressions de niveau matériel effarantes, quoi, c'est-à-dire où on s'habille en peau de bête, hein, un peu de choses près. Non mais tu vois, je veux dire, pour fabriquer un futal, enfin, je veux dire, c'est drôlement compliqué, hein, si on se met à 10 et on dit on va fabriquer nos falzars. On va se finir avec des sacs à patates autour de la taille, quoi. Enfin, ça sera pas Jojo. Et encore, il aura fallu. Donc, tu vois, il nous faut de nouveau la division du travail, pas forcément à l'extension folle que lui a donné le capitalisme, parce qu'il ne cesse de l'approfondir pour fabriquer des conneries. Bon, mais ça se fera pas sur une base, je sais pas, micro, locale, artisanale, etc. Ceci n'est pas vrai. Voilà, c'est ça mon point. Et c'est exactement ce que je disais tout à l'heure sur la pratique de l'autonomie qui se réarticule en une multiplicité d'échelles. Et s'il n'y a pas le global, et le global, moi je l'attrape en premier lieu par la division du travail, s'il n'y a pas le global, le reste est privé de ses conditions d'existence matérielle, je veux dire, conformément à ses désirs politiques. Bon, alors maintenant, tu me dis, la révolution culturelle, oui, c'est de la révolution culturelle que je parle, pas de la République de Chine. Alors voilà, d'où le malentendu. Alors d'abord, le point L, ça ne revendique pas la dignité du concept, hein. C'est une expérience de pensée, le point L. Le point L, c'est pour discuter de cette question de cette espèce de tentation rémanente, à la fois bien et mal fondée, cette espérance qui ne désarme pas en la possibilité de conquérir le pouvoir d'État et d'en faire quelque chose. Bon, alors je fais la liste des objections terribles qui s'opposent à ça, et en même temps j'accorde quelque chose à ceux qui continuent d'y penser, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces arguments. Donc je me livre à une expérience de pensée. Imaginons, dans le cadre des institutions électorales, rien de révolutionnaire, hein, un gouvernement de gauche, disons social-démocrate, mais au sens historique du terme, hein, n'est-ce pas, pas depuis les socialistes des années 80. bon, qui arrive au pouvoir avec comme projet explicite de desserrer l'emprise du capital sur la société et de modifier le rapport de force entre le capital et le travail. Je me livre à cette expérience de pensée et ma conclusion, c'est qu'il est torché en deux jours. Même, il est torché avant d'arriver au pouvoir. Parce que, je ne rentre pas dans le détail de l'argument, la tornade est essentiellement menée depuis la sphère financière. Il s'ensuit que très rapidement un gouvernement de cette nature atteint un point de bifurcation tragique qui est soit s'affaler, Tsipras, mais là vraiment en technicolore, soit maintenir, mais alors basculer dans toute autre chose qui est quoi ? Qui est faire face à la guerre à outrance qui se trouve déclarée par le capital à cette expérience-là. Car ça sera une guerre à outrance. Avec ses médias, sa force de frappe financière, ses prises d'otages industrielles, tout ce que vous voulez. Bon. Et que pour contrebattre des forces d'une puissance pareille, alors le jeu change de nature. Alors oui, effectivement, je ramène des poubelles de l'histoire, cette expression de dictature du prolétariat, et le point L, donc comme Lénine, si vous voulez, c'est une manière de dire, c'est ça le point de bifurcation. Et tout ça pour discuter de cette idée du grand soir au sens de un moment ou un autre. Si on veut sortir du capitalisme, on ne fera pas l'économie de la confrontation macroscopique décisive. Et que ça, c'est un sacré truc. C'est un sacré truc. On n'échappe pas à l'épreuve gigantomachique, à un moment. Au début, j'avais pensé dire il faut passer par un point de gigantomachie. Vous imaginez ce que ça fait avec l'initiale. Donc je me suis abstenu et j'ai préféré le point L comme Lénine. Bon, alors maintenant, est-ce que la révolution culturelle, et non pas la République populaire de Chine, est-ce que la révolution culturelle est un ripollinage communiste autoritaire ? Non, largement non, évidemment, c'est même tout le contraire. Alors bien sûr, il faut distinguer dans la révolution culturelle, il y a ses intentions, il y a son déroulement historique. Mais dans ses intentions, précisément, la révolution culturelle procède d'un mouvement autoritaire. Il s'agit d'abattre les autorités enquistées dans les structures institutionnelles, les entreprises d'État, gouvernementales, administratives, etc. etc. Et la réalité du processus de la révolution culturelle, vous le savez, ça a été tout autre chose. Mais alors là, on se situe par-delà l'autoritaire et l'anti-autoritaire. Ça n'a plus été qu'un chaos violent. Alors pourquoi je ne suis pas le premier à le faire, d'ailleurs. Pourquoi est-ce que je fais cette mention de la révolution culturelle ? Parce que je trouve d'une importance à la fois intellectuelle, enfin théorique et politique, un signe de méditer l'échec d'une tentative de remédier à un échec. C'est donc un échec au carré qu'il s'agit, si vous voulez. C'est pour ça que c'est extrêmement cruel. Quel était l'échec auquel il fallait remédier ? C'était évidemment l'échec de la dégénérescence bureaucratique, totalitaire de l'État stalinien. Et la révolution culturelle se pose comme tentative de résoudre ce problème qui lui a été légué par l'histoire, par l'histoire de la révolution russe. Et c'est un échec. Moi, ce qui fait pour moi l'intérêt de cet épisode historique, de cet échec au carré, c'est qu'il se tient néanmoins sur fond d'une option stratégique que je crois la bonne, et je dirais même la seule possible, qui est cette fameuse confrontation macroscopique, cette épreuve terminale avec le capitalisme. Je ne sais pas trop quoi dire, à vrai dire. Et de toute façon, on a prévu de vous donner la parole, bien entendu. J'avais deux questions un peu positives. J'arrive pas à être convaincu par ce que tu racontes maintenant sur l'échec de la révolution culturelle, mais le problème de l'intention et du résultat. Mais qu'est-ce que c'est que cette vieille souple que tu nous sors ? Écoute, on a des petites tentatives. Rojava, au Chiapas, dans certaines communautés comme les ZAD, peut-être que c'est pas c'est pas au niveau macro, mais au moins voilà quelque chose qu'on arrive à peu près à maîtriser et où on évite de s'étriper. Mais oui. Et non, mais tu proposes quoi, le grand parti? Le grand parti Mélenchon, c'est quoi le, la question? En fait, non mais j'arrive pas à comprendre. Tu ne vois pas le registre dans lequel se déploie mon propos. Mais c'est ça, je veux dire, c'est ça le... Mais personne comprend, tu sais. Personne comprend. Le problème, c'est que tous ceux qui ont lu ce livre se disent, mais qu'est-ce qu'il raconte, Lordon? Qu'est-ce qui lui arrive? Mais en fait, non, je raconte toujours la même chose depuis des années. Ce qui est terrible, c'est que le... Il y a des lectures qui ne veulent pas voir en quoi consiste mon effort intellectuel, qui est un effort positif, au sens de la positivité, hein, dont l'opposé est normatif. Ce n'est pas être négatif ou être positif, hein, ce n'est pas ça. Je veux cartographier les problèmes, tu vois. Je veux dire quelles sont leurs coordonnées. Parce qu'il me semble que, et j'en ai absolument pas la solution, hein. Donc tu me dis qu'est-ce que tu proposes? La réponse est rien. Voilà. Mais au moins, je propose quelque chose qui est, me semble-t-il, le prérequis à proposer quelque chose. Et je ne fais rien d'autre. Tout en essayant de cartographier autre chose, alors là, au sens le plus direct du terme, autre chose qui sont, de faire justice à toutes ces expériences dont tu parles et dont je parle. En termes, me semble-t-il, globalement sympathiques. Mais maintenant, si c'est pour me faire dire que toutes ces choses-là ne sont que des histoires enchantées, la réponse est non. Je dirais pas ça. Donc dans toutes ces histoires, il y a des problèmes. Dans toutes ces histoires, il y a des conditions de possibilité particulières qui ne sont pas forcément reproductibles. C'est le cas au Chiapas et au Rojava, qui sont, me semble-t-il, les deux expériences qui retiennent le plus notre attention, la mienne autant que la tienne, je te le certifie, parce que ce sont des expériences à portée quasi macroscopique. Et que ces expériences-là dealent comme elles peuvent avec leurs difficultés internes et leurs difficultés externes aussi. Il n'y a pas que des difficultés externes, mais il y en a aussi. Bon. La situation très particulière dans laquelle le Rojava a pu se constituer, on en voit la contingence actuellement. Parce que cette situation particulière menace de se défaire. Et que c'était bien tant que ça durait, mais que la possibilité que ça tourne mal existe aussi, et que si ça tourne mal, que se passera-t-il? On ne sait pas. Et c'est un peu pareil pour le Chiapas. Pour moi, c'est parce qu'il y a eu ces circonstances assez particulières, précisément, que... quoi qu'ayant dû en passer par le maniement des armes, toute l'énergie psychique en quelque sorte du collectif n'est pas passée à la lutte militaire de vie ou de mort, et donc il en restait pour faire quelque chose d'autre, et notamment des institutions qui soient pas trop pourries. Et si je discute la révolution culturelle, c'est précisément parce que, me semble-t-il, l'un des périls du grand soir, mais ne me dis pas que je ne le vois pas, je ne vois que lui. L'un des périls du grand soir, c'est qu'il force à une lutte globale de vie ou de mort. Et que les structures de coordination, pour ne pas les appeler un État, qui se forment dans ce type d'urgence vitale, eh bien, une fois qu'on les a sur les bras après, elles ne sont pas jolies à voir. Et moi, effectivement, c'est ça mon obsession. J'avais un camarade avec qui je débattais et qui me disait « Ah oui, mais la révolution culturelle, c'est parce que les bolcheviks ont fait main basse sur la révolution. » Oui, bien sûr, en première approximation, c'est ça. Mais ça n'épuise pas, me semble-t-il, la réponse. La réponse, c'est qu'il y avait à mener une guerre civile révolutionnaire et c'est eux qui étaient disposés à la mener. Et qu'après, quand on se retrouve avec un groupe de gens qui ont conduit une guerre révolutionnaire, donc qui ont monté un État militarisé, et ben on se retrouve avec cet État-là qui est marqué au fer rouge à l'origine. Et c'est une saloperie. Je le sais comme toi. Mais, si tu me... Justement, donc c'est pour ça que j'ai évité d'appeler le livre « Que faire ?». Je sais tellement pas que... entendu. Parmi les très fortes pages de ton livre, il y a des pages sur Pierre Clastres, la société contre l'État, la question de la police, la question de la torture, la question de la police et de la prison. Par exemple, dans des communautés comme les communautés du Chiapas, il y a des prisons au Chiapas. Moi, j'y suis allé plusieurs fois. C'est une question qu'on avait posée aux habitants. On leur a dit, comment faites-vous pour gérer les déviances? Et ça, c'est quelque chose qui nous anime, la question du traitement des déviances dans le cadre d'une société libertaire. Question essentielle. Parmi les très fortes pages de ton livre, évidemment, il y a toutes celles que tu consacres à Spinoza. Et tu donnes envie de revenir à Spinoza, de lire Spinoza. Quelle est la puissance émancipatrice de Spinoza? C'est mon avant-dernière question, ensuite on vous laisse la parole. Je voulais juste dire un mot pour que les gens qui sont les plus nombreux et qui n'ont pas lu le livre ne se méprennent pas, puisque tu as cité Clastres, puis tu as dit la police, la prison, la torture, etc. Alors non, la torture dont je parle est celle du chapitre 10 de La société contre l'État, dans le livre de Pierre Clastres. Et c'est le chapitre qu'en général on n'aime pas lire. Voilà, précisément, vous voyez. Et moi, j'adore les trucs qu'on n'aime pas lire. Parce que ça ternit l'histoire. Ça ternit la belle histoire qu'on a envie de se raconter. Et ce que montre Clastres, c'est que dans les sociétés qu'il étudie, en effet, il n'y a pas d'État au sens... Ça, vous connaissez la thèse. Il n'y a pas d'État au sens d'un appareil séparé, etc. Mais on aurait grand tort de se figurer dans la foulée que ce sont des sociétés, ouvrez les guillemets, horizontales. Il n'en est rien. C'est pas parce que la verticalité n'est pas appareillée dans un État qu'il n'y a pas de la verticalité. Et la verticalité dans les sociétés qui étudient Clastres se manifeste sous une forme qui n'est pas joyeuse et qui est la torture, en effet, mais la torture comme rite de passage, comme rythme d'admission des jeunes gens dans le groupe. Et c'est la torture par scarification. Bon, donc, vous voyez, c'est au moins Clastres à l'immense honnêteté de dire la chose, pour qu'on ne se fasse pas, pour qu'on se fasse pas trop d'illusions sur la réalité de ces sociétés-là, et qu'on ne les enjolive ni ne les enchante au-delà du raisonnable. Et ça me conduit directement à ta dernière question. S'il fallait donner envie de lire Spinoza, j'avancerais deux réponses. La première, c'est... Alors, je ne sais pas si elle convaincra beaucoup de monde de le lire, mais... Enfin, bon. Pour moi, c'est par excellence le philosophe du no bullshit. Vraiment, c'est... Spinoza, c'est le philosophe qui nous empêche radicalement de nous raconter des histoires. Et qui nous ramène impitoyablement à la réalité de ce que nous faisons. Voilà, donc pour moi, c'est une vertu intellectuelle au-delà de toute. Et la deuxième raison que vous partagerez peut-être plus volontiers avec moi, c'est que c'est un philosophe de la sédition. Ou, pour le dire plus généralement, c'est un philosophe des institutions et de la possibilité de leur renversement. Alors ici, il y a un point de glose qui est débattu, parce que, vous savez, le texte de Spinoza, comme toujours les très grandes œuvres, s'offre à des interprétations multiples et parfois contradictoires. Donc il y a deux lectures de la philosophie politique de Spinoza. Pour faire simple, on va dire qu'il y a une lecture de droite et une lecture de gauche. Alors il y a une lecture de droite qui donne la philosophie politique de Spinoza comme une philosophie du conservatisme. Et il faut dire les choses, les interprètes qui soutiennent cette lecture-là ont d'excellents arguments pour eux. Alors on peut ne pas y souscrire complètement, mais on ne peut pas les balayer comme ça sous le tapis. Il y a quelque chose de ça aussi chez Spinoza. Et il y a aussi d'autres choses qui permettent de tenir la lecture inverse, qui est celle d'un philosophe pour qui j'ai vraiment une estime et une admiration sans borne, qui est tout à fait inconnu, qui s'appelle Laurent Bov, et pour Alexandre Matron, qui a été son maître, dirais-je, et administrativement son directeur de thèse. Et lecture au terme de laquelle la philosophie de Spinoza nous fait d'abord comprendre en quoi consiste réellement le fait institutionnel, et notamment cette chose très très importante dont nous aurons peut-être l'occasion de reparler plus tard, que le fait institutionnel ne nous est pas extérieur, comme nous le représentons spontanément le plus souvent. Le fait institutionnel, c'est nous qui l'engendrons, mais assez souvent, le plus souvent, dans un mélange d'opacité et de méconnaissance. Et partant, Spinoza en déduit la périssabilité essentielle de toute institution. Alors c'est ça, me semble-t-il, qui est de nature à nous intéresser au premier chef. La crise est à l'horizon de toute formation institutionnelle. Aucune institution n'est garantie d'éternité, même les plus fondamentales. Mais il nous avertit que ce qui suit de leur renversement, comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne sera pas la liberté. Ce sera d'autres institutions, parce qu'il y en aura nécessairement, mais avec l'espoir que possiblement nous les fassions meilleures. Voilà.